Bonjour cher Emmanuel et bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le 17 juillet. Gaspard habite Rennes, il est venu passer ses vacances à Dinard pour jouer de la guitare et attendre Léna. Il va rencontrer Margot, puis Solène, et de jour en jour, son été va prendre la forme de son désir, amoureux, amical ou physique, pour ses trois filles. Cette histoire ressemble à un conte, c'est le conte d'été d'Éric Rohmer, sorti sur vos écrans en 1996. Quand il y a de la musique dans mes films, en général, c'est de la chansonnette. J'ai jamais traité de grands sujets. Mais je pense qu'il vaut peut-être au mieux, si je suis parfait pour les traiter, que je me cantonne dans les sujets qui me conviennent. Tu vois, même si je suis avec le type le plus moche, le plus insignifiant, c'est lui que les filles remarquent. Pas moi. Tu es comme tous les mecs, tu vois pas plus loin que ta petite vanité, tu ne prends pas de risques. Il suffit qu'une fofolle te tombe dessus pour que tu te prennes pour le roi des tombeurs. Ce personnage, précisément, ce qui compte, c'est le regard des autres sur lui. Moi-même, je veux pas être méchante, mais je trouve aussi que tu fais pas le poids. Et alors ? Alors donc, dans ce cas-là, on n'a pas besoin d'ajouter de la musique. Ouais ! Bonjour Carole Desbarra. Bonjour. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Vous êtes ancienne directrice des études de la FEMI, c'est l'École normale supérieure des métiers de l'image et du son. Vous collaborez à la revue Esprit. Vous avez écrit un livre sur Pauline à la plage, dont vous étiez venue parler la dernière fois qu'on a parlé de Rohmer. Sur les chemins, c'était en 2011 ou 2012, il y a bien longtemps. Vous avez également écrit un livre sur Conte d'été, donc d'Éric Rohmer, dont on va parler aujourd'hui aux éditions Canopée. Est-ce que Conte d'été, c'est votre Rohmer préféré ? Non, c'est Pauline. C'est vrai ? Ah oui. Et pourtant, vous me disiez, à quel point Conte d'été... Non, c'est Manu chez Maud. Ah d'accord. Non. Donc bah alors pourquoi Conte d'été alors, aujourd'hui ? C'était au programme du bac et Canopée, qui est une institution pédagogique nationale, m'a demandé de faire un livret. Puis vous savez, quand on a été prof, un jour, on sera prof toujours. C'est vrai pour le grand Éric Rohmer et la petite Carole Desbarra. Elle est la petite Carole Desbarra, qu'on est content d'accueillir à nouveau, en tout cas sur les chemins de la philosophie. Conte d'été, c'est donc un conte. En même temps, quand on dit conte, c'est presque réducteur, parce qu'il se passe beaucoup de choses qui ne sont pas simplement romanesques. Il se passe très peu de choses, en fait. C'est pour ça que c'est peut-être même pas réducteur, mais peut-être décalé. Ouais. Parce que ça a longtemps été reproché, et je pense que ça l'est encore à Rohmer, cette absence d'action au sens classique du terme. C'est vrai que pour ceux qui n'ont jamais vu un Rohmer, eh bien, vous n'allez pas voir un bus qui explose, vous n'allez pas voir un monstre Godzilla, vous n'allez pas voir de choses de cet ordre-là, de pyrotechnie, d'effets spéciaux. Non, non, pas du tout. Vous allez voir les drames extrêmement violents de la vie intérieure des hommes et des femmes. Violent ? Ah oui. Ah oui. Simplement, tout ça se fait dans une perfection courtoise et classique. Mais bon, après tout, le théâtre de Racine, c'est extrêmement violent. Vous l'avez revu pour les besoins de l'émission. Qu'est-ce que ça vous a fait de le revoir une nouvelle fois ? Ah ben, j'étais ravie. J'étais ravie. Je pensais que c'était vraiment beaucoup moins bien que Pauline à la plage. Et puis, en fait, non. Non, c'est différent, mais c'est dans le même esprit, en fait, et pour beaucoup de raisons. La plage, bien sûr, Amanda Langlais aussi, la question des hommes et des femmes, oui, il y a vraiment beaucoup de liens. Mais je me disais surtout, si c'est ma petite réflexion qui compte là, c'est que si une femme féministe avait fait ce film, elle se serait lynchée dans la critique. Parce que c'est un film d'un féminisme absolu. Il y a une démonstration du fait qu'il n'y a pas que les femmes qui soient faibles, hésitantes. Ah, dans ce sens, oui. Ah oui, absolument. Mmh. Et c'est une démonstration que les hommes sont aussi des êtres aussi forts que faibles. Une démonstration, vous pensez ? C'est souterrain. Démonstration, le mot n'est pas bien utilisé. En fait, si on l'analyse froidement, oui. Quand on le vit, non. Et quand on est spectateur, non. Parce que le spectateur de Rohmer, moi je crois, est essentiellement libre. C'est un spectateur que Rohmer conçoit comme intelligent, à qui il donne les éléments et à qui il laisse tirer les conclusions. Il nous fait voir des choses que les personnages ne voient pas. C'est classique au cinéma. Mais chez Rohmer, ça permet, dans des imbroglios, de faire que le spectateur dénoue cet imbroglio qui, en général, est d'ordre psychologique, sentimental, spirituel ou philosophique, mais qui lui dénoue lui-même. Mais l'exemple d'un cinéaste qui ne laisse pas son spectateur libre, ce serait qui ? Quand j'en ai parlé avec Jean-Marie Straub, qui est un cinéaste extrêmement exigeant, il m'a dit, pour moi, Spielberg ligote son spectateur. On pourrait dire la même chose d'Hitchcock. Absolument. Il fait de la direction de spectateur, tout à fait. Alors quand on demande à Rohmer de résumer Conte d'été, voici ce qu'il répond. C'est l'histoire de quelqu'un qui est seul et puis finalement qui a seul à attendre une jeune fille et il en arrive trois. Voilà, ça dure 6 secondes, le résumé du film Conte d'été. C'est un pitch. Hein. Donc c'est il attend une femme, il en rencontre trois. Tout à fait. Et à un moment donné, Margot lui dit « Mais tu sais, tu me rappelles un personnage de pauvre clochard qui se réveillerait millionnaire le matin parce que tu as trois femmes qui t'attendent. » Et à un autre moment, elle lui dit « Je suis la remplaçante de la remplaçante. » C'est-à-dire que ça pose tout de suite la question fondamentale du film qui est le choix. Le choix entre ces trois femmes. Et ce pauvre garçon a un mal fou à se décider et à choisir. Parce que je l'ai dit en début d'émission, Gaspard est venu à Dinard dans l'espoir de retrouver Léna, qui est sa petite amie officielle, quoi qu'elle s'en défende à un certain moment. Il va rencontrer Margot, qui est serveuse dans une crêperie, donc ils vont se rencontrer, elle va lui proposer de se revoir, et donc ils vont devenir amis, et il va ensuite rencontrer Solène. C'est-à-dire qu'il y aura ces trois femmes-là qui chacune vont jouer un rôle très différent, et à chaque femme correspond une image différente de la part de Romère. Elle ne se promène pas au même endroit, en fait. Exact. Ça veut dire qu'à l'intrigue correspond aussi à un parti pris esthétique, disons. Ah, tout à fait. Tout à fait. Et là, si vous voulez, Romère, qui a quand même été un très grand lecteur de Victor Hugo, je pense, applique ce qu'il a dû apprendre chez Hugo, à savoir que la forme, c'est lorsque le fond remonte à la surface. Effectivement, c'est la façon dont ces couples fondés autour de Gaspard, une fois avec Margot, une fois avec Solène, une fois avec Léna, se promènent, et où ils se promènent, a beaucoup à dire sur, bien sûr, le lieu, le climat, la façon dont la lumière est présente ou pas, et aussi la façon dont Dinard est montré. Il a un côté géographe, Romère, c'est quelqu'un qui s'intéresse beaucoup, mais vraiment profondément, la question des lieux. C'est pas du tout anecdotique. Vous savez, la façon dont il écrit ses films, il écrit selon Françoise Etchegaray, qui est une ange gardienne, qui a été sa directrice de production dans les dernières années, et que j'avais interrogée à propos de Conte d'été, qui avait été d'une grande générosité à mon égard. Elle m'a raconté beaucoup de choses. Et elle me disait qu'il écrivait en deux temps, ses scénarios. Le premier temps, il fait la trame narrative. Et le deuxième temps, il a besoin, avant de l'écrire, d'avoir été sur les lieux, et de connaître le corps de ses acteurs. Et ça explique beaucoup de choses. Et ça va totalement dans votre sens. C'est parce qu'effectivement, Léna a ce corps de jeune bourgeoise, bien aisée, bien à l'aise dans les garden parties et les parties de golf, qu'elle a un certain type de maillot, et qu'elle se promène dans un certain type de plage, que l'étudiante en ethnologie qui est jouée par Amanda Langley, Margot, qui est serveuse pendant l'été, a un maillot brassière nettement moins sophistiqué que celui de Léna. Quant à Solène, qui est une employée de banque, en fait, elle est très pulpeuse, très... Robe en jean, courte décolletée. Totalement. Et avec des maillots qui mettent ses formes bien en valeur. D'ailleurs, on la voit à un moment donné en lingerie blanche. Elle sort comme ça d'une chambre où rien ne s'est passé. On est chez Romère. Il ne se passe jamais. Voilà, c'est ça. On en a dit deux mots hier avec Noël Herp, quand même, chez Romère. Même avec le personnage de Solène qui semble aller jusqu'au bout du désir érotique, on s'arrête toujours avant la fin. Mais ça, c'est le côté hitchcockien de Romère, oui. C'est vrai qu'il n'y a pas de sexe non plus chez Hitchcock. Oui, et je voulais aussi dire que Romère met le sexe hors champ. Donc il le rend désirable. Bah, il n'arrive même pas là dans ce film. C'est même pas qu'il est hors champ. Ah si. Si, le sexe, ça n'est pas que faire l'amour au sens coït et pénétration. Alors dites-moi en plus, où avez-vous vu du sexe dans ce film, Carole Desbarra, ça m'intéresse. Ne serait-ce que dans l'érotisation du langage. Ah. Ne serait-ce que dans la façon dont ces personnages joue avec les mots, mais ça va de... Enfin, on en reparlera, j'imagine, mais ça va du Terneva à Solène et à Léna, qui jouent avec ses connaissances universitaires. Donc, il y a quelque chose de très profond dans le jeu du langage, et c'est pas les jeux de l'amour et du hasard, peut-être, mais c'est les jeux du langage et du hasard, peut-être. Bon, alors on y reviendra, en effet. D'abord, faisons connaissance avec Gaspard, voici son exposition de l'intrigue du film. Pas mal, cette fille. Laquelle ? Celle que tu as regardée là-bas ? Ah non, mais je regardais pas les filles. Tu devrais, puisque tu es seule. J'ai peut-être regardé celle-là, mais c'est pas pour la raison que tu crois. Tu sais, en fait, je suis venue ici pour rencontrer quelqu'un. Oui, tu m'as dit. Oui, mais je t'ai dit des amis, en fait. C'est une fille. Je peux rien te cacher. Ta petite copine ? Si tu veux, mais pas exactement. Et elle doit arriver quand ? Vers le 20. Nous y sommes. En principe, oui. Elle vient te rejoindre, si je comprends bien. Non, c'est plutôt moi qui... On s'est rencontrés il y a quelques mois. C'est une fille très intelligente, une sorte de surdouée. Elle voulait préparer l'ENA, mais maintenant, elle n'a plus envie. Elle n'aime pas ce milieu. On a beaucoup d'affinités. Parce que tu es musicien ? Oui, entre autres. Mais elle n'est pas amoureuse de moi. Je sens qu'elle me prend... qu'elle me prend pas tout à fait au sérieux. Du moins pour le moment. On a fait le projet de passer les vacances ensemble et puis elle est partie avec sa sœur pour l'Espagne. Mais en rentrant, elle doit passer voir ses cousins qui ont une villa pas loin d'ici, du côté de Saint-Lunaire. Elle m'a dit qu'elle s'y ennuyait plus tôt et m'a proposé de passer la voir. Comme c'est charmant. Et même de l'emmener en promenade à la pointe de la Bretagne. Jusqu'à Ouessant. Si jamais elle veut pas y aller, pense à moi. Sûr ? Oui, oui, oui. Vous écoutez France Culture, Les Chemins de la Philosophie et Contes d'été d'Éric Rohmer, aujourd'hui en compagnie de Carole Desbarra. Vous venez d'entendre une discussion entre le personnage de Gaspard et le personnage de Margot. Vous parliez juste avant, Carole Desbarra, d'érotisation du langage. C'est dans ce type de scène que vous l'entendez ? Oh, mais partout. Partout, c'est-à-dire, ne serait-ce que dans un ressort narratif qui est fondamental chez Rohmer, qui est le mensonge. Là, il ment. Il ment sur son rapport à l'ENA. Le spectateur aura le moyen de le savoir. Oui, on ne sait pas encore. Plus tard. Hein, non, on ne sait pas encore. On va le savoir. Mais un spectateur libre, il faut qu'il ait un peu de patience. Il ne sait pas tout de suite. Il est libre de rester. Il est libre de partir, il est libre de rester. Tout à fait. Et donc, c'est dans le jeu où chacun essaie de savoir ce qu'est l'autre. Mais c'est quelque chose qui est un degré différent du jeu des corps où on essaie à deux de connaître le corps de l'autre. Simplement là, c'est sur le langage que ça se joue. Et il faut admirer Melville Poupeau. Melville Poupeau, il faut dire deux mots quand même, parce que avec c'est un immense acteur. C'est un musicien aussi, ça on le sait. Enfin, quand on y pense, il a commencé tout jeune chez Raoul Ruiz. Il a travaillé 9 fois avec Raoul Ruiz, qui est une patience de saint. Ça déjà, mais surtout, moi, j'ai été éblouie par son intervention dans Insoupçonnable, la série qui est tirée de The Fall, la série anglaise, et qui a été réécrite par Virginie Braque. Virginie Braque lui a fait un personnage de serial killer sombre, intelligent, mais c'est magnifique. C'est magnifique. Et on se dit, chaque fois, je me dis, mais attends, c'est Gaspard ? Si, si, c'est Gaspard. Ouais. Et c'est ça, le travail d'acteur. Là, il est un petit peu voûté, un tout petit peu voûté, ce qu'il n'est pas dans la vie, bien évidemment, parce qu'il y a une espèce de mimétisme avec le corps de Rohmer. Quand on le regarde, on s'aperçoit qu'il croise les bras comme Rohmer, qu'il a essayé de prendre une façon d'être de Rohmer, parce qu'on le sait, il y a des éléments autobiographiques discrets dans le film. C'est pas le plus intéressant, mais c'est vrai que c'est exact. Et Melville s'en est occupé. Et la façon dont il a été casté, je trouve, dit beaucoup de l'exigence de Rohmer. Racontez-nous. C'est Françoise Etchegaray qui m'avait raconté là aussi. Il s'est retrouvé dans une salle, bon, normale, hein, faire un casting. Et puis, à un moment donné, Rohmer l'écoute et tout en l'écoutant, il marche vers une fenêtre. Il ouvre une fenêtre sur un boulevard parisien et il dit maintenant, continuez parce qu'il va y avoir la mer et il faut que je sois sûr qu'on vous comprenne. Effectivement, le langage n'est pas quelque chose qu'on laisse au hasard. C'est pas du tout quelque chose de secondaire. Ça rentre dans non seulement une vision, je trouve, du plaisir, de la sensualité, mais aussi, évidemment, une vision cinématographique. Parce que le son direct, chez Rohmer, c'est une religion, ce qui n'empêche pas de faire le contraire de temps en temps. Donc le son direct, ça veut dire que c'est pas du son rajouté au montage. Voilà, c'est que si vous entendez des grillons dans la grande scène d'amour, dans le petit cabinet de verdure à la fin du film, eh ben ce sont des grillons, en fait, ce sont pas des grillons qu'on entend. Mauvais exemple. La mère qu'on a entendue était la vraie mère, par exemple. Non, mais ce qu'on entend de magnifique, mais qui est trop bien, si j'ose dire, dans cette scène-là, c'est le bruissement des feuilles. C'est complètement dingue. Vous écoutez et vous entendez le bruissement des feuilles. Et ça n'est pas rajouté. Vous voulez qu'on l'entende maintenant ? Ah oui. Quitte à ne pas respecter la chronologie du film, mais bon, on a compris l'histoire de toute façon. Tout à fait. Alors nous voici dans la nature. D'ailleurs, on retrouve Gaspard et Margot presque vers la fin du film. Ils sont donc amis officiellement, mais des amis qui se parlent quand même de manière très très proche. Écoutez ce qui se passe. Je vais te dire une chose qui va te faire plaisir. Il n'y a qu'avec toi que je suis moi. Avec Solène non plus, je me suis pas senti moi-même. J'étais comme dans un voyage, ou plutôt comme voyageant dans une histoire. Comme essayant de m'identifier à un personnage qui n'est pas moi. Et avec Léna ? Je joue aussi un personnage que je me suis fabriqué pour elle, pour faire face à son ironie. Avec moi non plus, tu n'es jamais le même. Au début, je t'avais pris pour un amoureux transi, puis pour un dragueur maladroit, puis pour plus malin que tu ne le paraissais, puis pour coquin plutôt, puis pour pas si coquin que ça, brave au fond, mais malin quand même. Il y a de ça. Alors avec moi, tu ne te sens pas à l'aise ? Si, tout à fait bien. Tu te sens toi-même ? Ouais. Il y a là rien d'extraordinaire. C'est plus facile d'être soi-même avec un ami qu'un amoureux. Parce qu'il n'y a pas de comédie à jouer. Tu vois, j'ai envie d'aller à Ouessant. De passer quelques journées entières avec toi. Même si c'est risqué. Mais ce serait pour toi qu'un pis-aller. Et je veux à aucun prix être un pis-aller. Plus tard, quand ça n'aura pas marché. En hiver, c'est la meilleure saison. Tu pleures ? Non, je ris. Pourquoi ? Parce que ça me fait rire, ta situation. T'es comme un clochard qui se réveille milliardaire. Trois filles en même temps. Tu crois pas que c'est un peu beaucoup, non ? Précisons que pendant l'ellipse sonore, Margot et Gaspard se sont embrassés. Et c'est à ce moment-là qu'elle se met à rire, pleurer, en disant « ta situation me fait rire ». On sait pas trop, elle a plutôt l'air d'être quand même attendrie, émue par ce garçon. On ne croit pas trop à l'amitié entre l'un et l'autre. Non, en tant que spectateur, je sais pas ce que vous avez dit, Carole Desbarras, mais on se dit quand même, s'il y a une fille qui a l'air d'en valoir la peine pour lui, c'est bien Margot, non ? C'est sûr. Hein ? C'est sûr. Mais je crois qu'elle pleure. Je crois qu'elle pleure vraiment, mais et oui. Pour une raison cinématographique. C'est-à-dire que, comme vous le savez, Romère est un grand, grand admirateur de Renoir. Cette séquence-là se passe dans ce qu'on appelle un berceau de verdure, c'est-à-dire un endroit où les arbres se rejoignent et font une espèce de canopée qui protège du ciel, qui fait comme un cabinet d'intimité, une sorte de boudoir. Et c'est exactement ce qui se passe dans la partie de campagne de Renoir. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans la partie de campagne de Renoir, lorsque Henri embrasse pour la première fois la jeune fille, la caméra la prend alors qu'elle est de biais, mais la caméra prend son visage de face et elle a une larme qui coule. Et c'est quelque chose de magnifique parce que faire pleurer les femmes au moment du plaisir sexuel, c'est quand même une grande connaissance aussi du monde féminin. Et je pense que Romère, là, a vraiment rendu hommage discrètement à Renoir. Il s'est servi de ce qu'il aimait chez Renoir pour faire que cette jeune femme soit complètement émue. Et en même temps, juste avant, dans le début de ce que vous nous avez fait entendre, elle a analysé Gaspard comme le spectateur le fait. C'est-à-dire que quand elle récapitule, tu as été ça et puis ça et puis ça. C'est exactement ce que nous avons, nous, éprouvé. Et donc, elle est évidemment, malgré tout ce que pourrait penser Léna, elle est plus intelligente que les deux autres filles. Et elle est vraiment, comme vous le dites, celle qui est à la hauteur de Gaspard et qu'il ne voit pas parce qu'elle est son amie, elle est là. Justement, mais elle nous livre les clés de l'intrigue en même temps, Margot, quand elle dit « Moi, je préfère l'amitié à l'amour parce que dans l'amitié, il n'y a pas de comédie à jouer. Nous sommes au cinéma, donc heureusement qu'il y a une comédie à jouer, donc heureusement qu'il y a des histoires d'amour et pas que d'amitié. » Oui, oui, mais il y a quand même, à plusieurs reprises, le thème de l'amitié revient dans le film. Solène, à un moment donné, dit « Mais l'amitié, c'est plus sérieux que l'amour. » C'est-à-dire que la question, c'est le rapport aux autres êtres humains. Et là, est-ce que la vraie question, c'est... Moi, c'est ce qui me semble, pour le cinéma de Romère, et c'est pour ça que j'aime le cinéma de Romère. Est-ce que c'est l'amour ou l'amitié, ou est-ce que c'est plutôt la question de la séduction ? Moi, je crois que c'est la séduction. Et que dans l'amitié, il y a de la séduction. Alors, qui ne se concrétise en général pas sexuellement, sauf dans les sex friends américains. Oui, ça peut arriver. des nouvelles générations. Mais en général, ça n'est pas le but premier, disons. Mais le fait est que la séduction, aussi avec un ami, c'est quelque chose de très important, qui passe aussi par les mots, qui passe aussi par le fait de se connaître, de dire qu'on se connaît, de dire la vérité ou de ne pas la dire, etc. Donc, c'est peut-être un thème qui permet cette chose très importante de s'intéresser à toutes sortes d'êtres humains. À un moment donné, vous savez qu'elle fait des études d'ethnologie dans le film, chose que Amanda, si je ne me trompe pas, l'actrice faisait aussi dans la vie, oui, il me semble. Elle fait des études d'ethnologie, elle dit cette chose magnifique, elle dit « je me suis rendu compte au bout d'un certain temps qu'il y avait 1000 fois plus de choses à dire en Bretagne que sur la Malaisie. » Ouais. Voilà. Et un peu plus loin, elle dit cette chose que je crois très romérienne, mais du cinéaste Éric Rohmer, c'est « je crois qu'il n'y a personne qui ne soit complètement insatisfaisant ou manquant totalement d'intérêt. » Je crois que c'est ça l'expression, manquant totalement d'intérêt. Rohmer m'aurait tué, vous savez qu'il ne supportait pas qu'on change une virgule de son texte. Et ça s'entend beaucoup dans ce film en particulier. On parlait du rayon vert hier, il y avait des scènes qui étaient plus ou moins improvisées. Ici, on a l'impression que les comédiens récitent le texte à la lettre. Ah mais c'est certain. Est-ce une impression ? Non. Non, c'est certain. Et c'est dans tous les films de Rohmer, sauf dans le rayon vert, ou à peu près, il y a peut-être quelque chose qui m'échappe. En tout cas, le rayon vert est une, ça a été magnifiquement dit hier par Noël Herpe, c'est une méthodologie tout à fait particulière dans l'œuvre de Rohmer, mais qui ne détonne pas sur la thématique. Non. Mais qui était juste une technique différente. Mais c'est ce qui souvent rebute les détracteurs de Rohmer, ce paradoxe, voire même cette contradiction entre d'un côté vouloir poser la caméra et saisir le réel tel qu'il est, en prenant du son direct, et en même temps faire parler les comédiens comme s'ils étaient en train de lire un livre de Molière. Ça crée un ensemble un peu bizarre. Je vous dis ça pour que vous défendiez Rohmer. Hein. Mais moi, je vais vous dire un truc extrêmement prosaïque, c'est fromage et dessert. Il ne voit pas pourquoi il se priverait de l'un ou de l'autre. Ouais. Il ne voit pas pourquoi il ne serait pas à la fois dans le réalisme et à la fois dans l'artifice. Parce que il faut parler d'artifice concernant Rohmer. Il sait parfaitement que, certes, il refuse les effets spéciaux, sauf, comme l'a très bien dit Noël Herpe, l'effet spécial de l'œuvre de Rohmer, qui est le rayon vert, le vrai rayon vert qu'on voit à la fin. Mais il ne voit vraiment pas pourquoi on ne pourrait pas à la fois être extrêmement exigeant dans la mise en scène, dans la soustraction des éléments pour faire qu'on soit dans une esthétique presque classique et en même temps, à certains moments, si besoin est, faire parler Ariel Dombasle, qui a l'intelligence de s'y prêter, comme une précieuse ridicule. Oui, et donc c'est lui qui n'est pas dans la séduction à l'égard du spectateur. Ces personnages se séduisent, mais lui ne cherche pas à nous séduire. Je pense qu'il cherche à nous séduire par ce mélange. Moi, je crois que c'est quelqu'un de très, très compliqué, M. Rohmer. Bon, on va lui laisser la parole. Je n'ai jamais traité de grands sujets. Je me le reproche parfois. Je me dis, c'est dommage, parce que des gens que j'admire, tout de même, ont traité de grands sujets. Les Murnau, les Renoir ont traité de grands sujets. Mais je pense qu'il vaut peut-être au mieux, si je suis pas fait pour les traiter, que je me cantonne dans les sujets qui me conviennent. Tu n'as pas l'air de croire beaucoup à l'amitié entre garçons et filles. Si, pourquoi pas, mais en général, ce que je cherche, c'est plutôt une amoureuse, pas une amie. Et à défaut d'amoureuse? Non, justement, quand j'ai pas d'amoureuse, je supporte moins les amis. Est-ce que Carole Desbarra, pour donner tort à Rohmer, qui s'exprimait sur France Culture en 1996, dans l'émission Projection Privée, à l'occasion de la sortie de ce film Conte d'été, on pourrait pas lui rétorquer que son grand sujet, c'est la relation garçon-fille? Je ne sais pas si dans c'est... ce film, en tout cas. Ah, dans ce film, oui. Plus généralement, je crois que son grand sujet, c'est les femmes. Ah. Oui, plutôt. J'avais dû forcément vous dire, il y a une dizaine d'années, quand on s'était vu une première fois sur Pauline à la plage, cette anecdote qui pour moi est fondatrice de mon amour de Rohmer, c'est que j'étais terrifiée à l'idée de le rencontrer, mais terrifiée, hein, à l'idée de le rencontrer pour l'interviewer, pour préparer mon livre sur Pauline à la plage, que j'avais rencontré Françoise Fabian, et que Françoise, j'avais fait part de cette inquiétude, et que Françoise Fabian m'avait dit « mais vous êtes une femme, ça va aller ». Et je pense que c'est ce qui s'est passé. Et d'ailleurs, je pense que les intervieweurs hommes ont eu pas mal de difficultés avec Rohmer, parce qu'il était nettement moins conciliant avec les hommes qu'avec les femmes. C'est-à-dire qu'il aimait toutes les femmes et non, aucun homme, a priori? Pas du tout. Ça veut dire qu'il s'intéressait à toutes les femmes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on était une femme, on était intéressante. Après, on pouvait le décevoir. Et je pense qu'il a eu quand même quelqu'un qui a autant aimé Renoir, Preminger, etc., aime les hommes aussi, bien évidemment. La façon dont il filme Poupeau, C'est une façon très attendrie. Je pense qu'il sait qu'il se voit dans Poupeau. Ça n'est pas parce qu'il aime tellement les femmes qu'il méprise les hommes. Ça, nous ne ferons ni vous ni moi cette erreur de dire que si on s'attache à un sexe, on méprise l'autre. Non, c'est les deux. Mais c'est tellement rare de voir un cinéaste qui a un intérêt aussi vif pour le monde du féminin. Ici même, à France Culture, mon maître Jean Douchet m'avait dit « Mais quand même réfléchissez, un maître, hein. Réfléchissez quand même, hein, Carole, est-ce que tous les grands cinéastes ne sont pas très, très intéressés par les femmes ?» Et j'ai réfléchi depuis, je trouve que c'est vrai. C'est assez vrai. Quitte à leur taper dessus, hein, c'est pas la question. Mais Romère fait partie de ça. Alors, dans ce film-là, vous aviez raison, c'est l'amitié, l'amour, les hommes, les femmes, effectivement, et comment ils se situent. Enfin, l'homme, parce qu'il n'y en a qu'un, oui. Et les différentes femmes. Mais justement, est-ce que l'intérêt de Romère pour les femmes va-t-il de pair avec une définition de ce qu'elle a ? C'est quoi une femme, selon Romère ? Ou les femmes romériennes, elles ont des caractéristiques communes ? Communes, non. Je crois pas. Elles sont différentes d'un film à l'autre. Je pense que... Je voulais juste rajouter quelque chose. Quand il dit « je n'ai jamais traité de grands sujets », quand il a fait « La marquise d'eau », il a quand même traité, à partir de Kleist, l'histoire d'une femme qui a la volonté de donner un père à un enfant né d'un viol. Je trouve que ça n'est pas un sujet anodin. Donc bon, voilà, c'était juste pour aller un peu contre notre cher Éric Romère. Mais c'est vrai que il est capable de parler des femmes différemment à chaque fois. La boulangère de Monceau n'est pas Maud, interprétée par Françoise Fabian, qui n'est, et là on en a une démonstration absolue. Solène, Léna et Margot sont trois femmes extrêmement différentes. Donc non, c'est ça qui l'intéresse. Dans ce sens-là, on retrouve, je dirais, mais en tout bien, tout honneur, une sorte de donjuanisme. Toutes les femmes sont différentes. Alors, l'originalité de ce film en particulier, nous dit Romère, encore une fois, c'est de prendre le point de vue de l'homme. Dans les comédies probables, et dans les deux premiers contes des quatre saisons, printemps et hiver, c'est un personnage féminin qui est au centre, et c'est, si l'on peut dire, si cela a un sens au cinéma, c'est du point de vue d'un personnage féminin, si vous voulez. Bon, alors là, c'est le personnage masculin qui est au centre, mais ce personnage masculin, il n'est pas tellement vu de l'intérieur. Ça tuerait le film, par exemple. Contrairement au Conte Moreau, le film serait complètement tué s'il y avait la moindre trace de commentaire. Parce que ce personnage, précisément, ce qui compte, c'est le regard des autres sur lui. Tu vois, mon seul problème, surtout quand je suis en face d'un groupe, c'est pas tellement de communiquer, comme on dit, mais d'être. Être ou n'être pas. Oui, c'est la question, c'est peut-être pénant de dire ça, mais c'est vrai. C'est vrai de tout le monde. Un seul en face d'un groupe ne fait pas le poids. Non, je connais des gens qui s'intègrent très bien, et qui en existent davantage. Moi, j'ai l'impression que le monde existe autour de moi, mais pas moi. Je n'existe pas. Je suis transparent, invisible. Je vois les autres, mais ils ne me voient pas. Tu as de la chance. J'aimerais bien parfois. Mais je suis pas comme toi. Je suis pas curieux de n'importe qui. J'ai pas envie d'observer. Je suis même pas observateur, je ne suis rien. Mais non. Tu vois, même si je suis avec le type le plus moche, le plus insignifiant, c'est lui que les filles remarquent. Pas moi. Bon, en tout cas, ça nous fait rire toutes les deux, Carole. Cette réplique, alors, il dit quand même des choses cruciales. Il dit, mon problème, c'est pas de communiquer, c'est d'être. Ce qui laisse méditatif. Enfin, on pourrait faire une heure d'émission sur cette phrase. Il dit, je ne suis même pas observateur, je ne suis rien, je suis invisible. En fait, quand il parle de lui-même, coquetterie ou non, c'est toujours à la négative. Il est entièrement dissous dans le regard des autres. Tout à fait. Et puis, c'est comme une image qui se révélerait, qui sortirait du bain, une photographie du révélateur, et qu'on verrait petit à petit se définir. En fait, il a raison, là, quand il dit « je n'existe pas », il a raison, parce que il n'arrive pas à se définir dans ses choix, dans sa vie, dans ce qu'il veut faire, dans les femmes qu'il veut, la femme qu'il veut choisir, c'est tout. Est-ce que la seule chose qui soit complètement définitive, c'est la musique. la musique gagne toujours. Mmh. Mais en dehors de ça, il lui faut tout le film pour arriver, justement, à se définir lui-même. Et si, je pense que si on riait toutes les deux à la fin, c'est parce que, à la fin de cet aveu extrêmement sincère, il parle comme un petit garçon de 12 ans. Oui, hein, il dit même avec un côté de quelqu'un de très moche, on ne me regarde pas. Ouais. C'est, j'ai 12 ans, les autres sont injustes avec moi. Mais alors qu'on sait très bien qu'il est magnifique, il est très très beau. Elle le lui dit d'ailleurs. Et c'est invraisemblable qu'il dise ça alors que trois femmes s'intéressent à lui quand même. Comme on parlait du rayon vert hier, il est difficile de ne pas faire le parallèle entre Gaspard et Delphine, ces deux corps, ces deux êtres qui errent, qui ne savent pas trop, alors peut-être est-ce emblématique de la nouvelle vague, pourtant 87 on en est bien loin, mais de ces personnages qui ne sont tenus par aucune intrigue et qui semblent se laisser aller au gré du hasard qui n'existe jamais vraiment chez Romère, mais il y a ce point commun entre les deux. Oui, puis si vous permettez, il y en a un troisième, qui est Jean-Louis Trintignant dans Manu chez Maud, qui lui aussi passe toute sa nuit à savoir si, oui ou non, il veut accepter ce que lui offre Maud, à savoir de faire l'amour. C'est là que d'ailleurs Françoise Fabian dit à un moment donné cette chose définitive, je trouve, dans le cinéma de Romère. Elle se lève du lit, c'est au petit matin, elle repousse les couvertures, elle va à la salle de bain, il court derrière elle, elle attrape la porte, elle lui dit « J'aime bien les gens qui savent ce qu'ils veulent ». Et là, il s'effondre. Et dans ce sens-là, c'est vrai que le personnage de Delphine féminin, vous avez raison, dans le rayon vert, est totalement dans l'impossibilité de savoir véritablement ce qu'elle veut. Elle a un mal fou, elle sait ce qu'elle ne veut pas, mais c'est pour ça que la séquence de la salade que vous nous avez fait entendre hier, certes en raccourci, mais je crois qu'à la radio, ça aurait été impossible. Oui, déjà 2 minutes, c'était bien long. Mais c'est quelque chose qui est sidérant. Et peut-être le rayon vert est-il le film qui défrise le plus les anti-romériens. Justement à cause de ça. Parce que, comme c'est fondé sur elle, et qu'elle n'a pas en face d'elle des personnages aussi forts que Solène, Margot et Léna, du coup, c'est elle qui l'emporte. Et cette espèce d'indécision, mais maladive, rend très mal à l'aise. On pourrait dire que d'ailleurs, le grand sujet de Romère, il y a les femmes, mais il y a aussi le choix. Il faut qu'il y ait choix, il faut que le choix soit possible, c'est-à-dire il faut qu'on soit libre. Mais également, le choix est également guidé par les circonstances. Oui, c'est un problème qui m'intéresse, mais de toute façon, je crois que c'est un problème qui a toujours intéressé les conteurs, les narrateurs, la littérature, les dramaturges et maintenant les cinéastes. Je ne suis pas le seul à le traiter. Il faudra bien choisir. Ça, j'en doute. J'aimerais bien que tu aies à choisir, ça te ferait les pieds. Je te parie que j'aurais même pas à choisir. J'aurais ni l'une ni l'autre. Et c'est vrai d'ailleurs, il n'aura aucune des trois, Carole Desparins. Alors ça, c'est quand même un trait récurrent dans les films de Romère, que l'on retrouve de film en film, à savoir le désir, voire parfois l'obstination du désir. Hein. Je pense à Contes d'hiver, il y a certains films où c'est au contraire le fait d'y croire qui va marcher. Mais quand même, une espèce d'impossibilité à choisir une file à suivre, une ligne droite, à se cantonner à un choix, et cette espèce d'hésitation permanente qui, en fait, conduit quand même au point escompté. C'est-à-dire que ce soit une ligne droite ou beaucoup de méandres et beaucoup de détours, on arrive toujours au même point chez Romère. Donc, en fait, le choix est secondaire. Oui, oui, oui, effectivement. Et c'est vrai que ça se voit physiquement. Je pense à La Collectionneuse, qui est un film dont on n'a pas encore parlé, qui est un magnifique film de plage aussi, dans lequel, à un moment donné, quelqu'un hésite à choisir, n'arrive pas à le faire, et brutalement, il y a un encombrement, il est obligé de se déporter sur la gauche avec sa voiture, et il file à gauche. Et c'est-à-dire qu'il va ailleurs que ce qu'il avait prévu comme itinéraire. Et ça, c'est quelque chose qui est très très récurrent. Donc la question du choix, elle est très très importante, elle est développée de manière philosophique dans Ma nuit chez Maud, avec tous les développements sur Pascal, tout ce qui se dit sur Pascal, mais elle est, vous avez raison, très présente, et Gilles Deleuze est quelqu'un qui s'est beaucoup intéressé à cette question chez Romère, c'est par là qu'il aborde Romère, et voici ce qu'il dit, c'est une pensée du mystère, c'est une pensée de la foi, au besoin de la foi opposée à la religion, tout ce que vous voudrez, mais c'est une pensée de la foi. Et c'est vraiment intéressant parce que, on le sait, Romère dans son intime conviction est un chrétien fervent. Il a une vision du monde catholique. Ça n'apparaît pas, sauf dans Ma nuit chez Maud, dans son cinéma, sauf à travers la question du choix. C'est-à-dire que l'être humain est posée, alors, à travers des choses qui sont apparemment totalement futiles, comme aller à Ouessant, ne pas y aller, aller avec X, Y ou Z. C'est pas quelque chose qui engage un grand sujet, comme il disait dans les extraits que vous nous avez fait entendre, mais c'est quelque chose qui engage l'être. Et oui ou non, a-t-il foi dans ce qu'il fait, dans ce qu'il est? Ça veut dire qu'il faut croire pour agir. Oui, et puis il faut croire pour exister. C'est pour ça qu'il dit « je n'existe pas ». C'est parce qu'il n'arrive pas à choisir. Et le fait qu'il n'arrive pas à choisir est la traduction narrative de cette non-existence, qui va se manifester jusqu'à la fin, jusqu'au moment où il va décider qu'il s'en va, et qu'en fait, c'est la musique qui va gagner. Enfin, oui, mais ça l'arrange bien, c'est une fuite. C'est pas vraiment une décision ce qui se passe à la fin. Ça l'arrange bien de fuir les trois femmes et se réfugier dans la musique. Oui, c'est là qu'on peut se poser la question. Est-ce que le choix qu'il fait, c'est de ne pas garder le choix? Est-ce que c'est pas ça? C'est-à-dire c'est sa façon à lui d'être libertin. C'est-à-dire avoir toujours la possibilité de ne pas être enfermé. Libertin, mais pas joueur. Non. Il est prisonnier de lui-même. Hein. Ah non, il y a une libertine dans le film, mais c'est pas lui. C'est Solène. Solène qui agit comme Don Juan ou qui agit comme Henri dans Pauline à la plage. C'est-à-dire ces personnages qui se mettent des règles dans la séduction et qui les respectent très fermement avec une grande intégrité. Solène, on n'en a pas encore écouté, alors voici une minute de Solène qui va se présenter à vous. Je connais très peu la Bretagne et pourtant j'y suis née. Je parie que t'es jamais allée à Ouessant. Non. J'aimerais bien. On y va? Je t'emmène. J'ai des copains à Brest qui pourront nous loger, même si t'es fauchée. Non mais c'est pas une question d'argent. Alors? Laisse-moi réfléchir. Mais réfléchir à quoi? T'as peur de ta copine? Elle est pas là. Oui, mais elle peut rentrer. Dans ce cas, à toi de choisir. Et tout de suite. Je veux pas être la remplaçante. C'est oui ou non, maintenant. Alors? Attends. Non. Un. Deux. Trois. Bon, disons oui. Pas disons oui. Oui. Tout court. Oui, tout court. C'est bien d'accord. Mais oui, oui, oui. Parce que si tu te défiles, inutile qu'on se revoie. Là-dessus, je suis intransigeante. C'est encore un de tes principes. Et pour celui-là, pas d'exception non plus. Alors, c'est le personnage le plus érotique explicitement, apparemment, qui a aussi le plus de principes. Et vous dites ça, c'est propre à Don Juan, Carole Desbarra? Ah oui. Il y a un catalogue chez Don Juan. Il y a des règles de fonctionnement, mais c'est peut-être, je connais davantage Henri dans Pauline à la plage, il y a la volonté de s'organiser pour que son désir trouve satisfaction, et dans un certain cadre, des choses qu'on fait, des choses qu'on ne fait pas. Le libertinage, me semble-t-il, ne se prive absolument pas de règles, contrairement à ce qu'on pense. Simplement, ce sont des règles que le libertin s'écrit pour lui-même. C'est la différence. Il n'accepte pas les règles communes. Et je trouve qu'il y a de temps en temps, chez Romer, il y a des personnages libertins. Je ne résiste pas à dire cette chose que, si vous ne le savez pas après, ça va vous frapper tout chaque fois que vous verrez la série, c'est que Féodor Atkin, qui est le personnage qui joue Henri dans Pauline à la plage, est la voix de Hugh Laurie dans Dr. House. C'est Dr. House. Ce qui fait un drôle de mélange quand vous le savez. En effet, alors on a encore un dernier extrait à entendre ensemble sur le rapport entre les filles et les garçons avant d'aborder d'autres thèmes du film, notamment la musique. On en a très peu parlé, c'est très important. Cet extrait quand même a quelque chose d'assez délicieux. On y apprend que les garçons sont pas simplement différents des filles, non, les garçons sont cons. Si Léna n'est pas rentrée avant la fin de la semaine, je pars avec Solène pour Ouessant. Ah oui? Ah oui, elle a très envie d'y aller. Ben mon petit vieux, tu te couvres. Si c'est pas l'une, ce sera l'autre. Mais non, dis pas ça. Finalement, pour toi, toutes les filles sont équivalentes. Mais je te dis le contraire. Tu me déçois. Je t'aurais jamais cru capable de te laisser embobiner par une fille aussi vulgaire. Mais enfin, elle est pas vulgaire. Et puis c'est toi qui m'as jeté dans ses bras. Mais alors ça, c'est le comble. Tu n'as même pas le courage de tes opinions. Tu es comme tous les mecs, tu ne vois pas plus loin que ta petite vanité, tu ne prends pas de risques. Il suffit qu'une fofolle te tombe dessus pour que tu te prennes pour le roi des tombeurs. Je me demande vraiment ce que je fais avec toi. Mais enfin, Margot. Margot! Tu déformes tout ce que je dis. Je déforme rien du tout, j'ai bien entendu. Mais Lâche-moi un peu. On va pas se quitter comme ça, bêtement. Oui, bêtement. Tu vois, ce qui te sauve quand même, c'est ta bêtise. J'ai même pas envie de te prendre au sérieux. Les garçons sont cons, mais qui sont cons. Une fille, elle doit être nulle, débile, demeurée, ça descend jamais à ce niveau-là. Ça s'applique au cinéma de Romare, non? Ah oui, Carole tout à fait. Barra. Et c'est à cette scène-là que je pensais au début de l'émission en vous disant que si ce film avait été fait par une femme ouvertement féministe, cette scène-là aurait été pointée en disant « Mais c'est scandaleux, comment peut-on parler des hommes comme ça ?» Évidemment, elle est en colère. Il faut rappeler que chose que l'on ne peut pas voir en écoutant la radio, c'est qu'il l'a prise par le bras, il lui a fait mal. Mmh. Et elle en lui a fait mal aussi. La retenir, ouais. Et elle aussi. Donc en fait, ils sont arrivés à un rapport physique douloureux. Et du coup, ça explose, quoi. C'est-à-dire que il y a ce qu'on se dit quand on est énervé, qu'on généralise, bien sûr, chose qu'en tant que personne censée, on ne devrait jamais faire. Mais est-ce qu'il ne faut pas comprendre autre chose derrière les garçons sont cons? Moi, ce que j'entends, c'est autre chose de plus profond chez Romare que cette colère de jeune femme. C'est les garçons ne savent pas exprimer leurs sentiments. C'est ce que, personnellement, j'appelle l'absence de culture des sentiments des hommes, dont les femmes sont largement responsables, parce que si les mères n'apprennent pas ça à leur fils, eh bien, ou à leur petit-fils, c'est quelque chose dont ensuite tout le monde va souffrir. Il y a une difficulté à... Ah bah ouais, tous les hommes, et toutes les femmes. Il y a une difficulté à exprimer les sentiments. Et en fait, elle ne veut pas dire qu'il manque d'intelligence quand elle dit ça. C'est un garçon qui, visiblement, il est doctorat en maths, enfin bon, ça va, quoi. Mais elle veut dire qu'il manque d'intelligence et sentiments, il me semble. Ce qui est aussi le thème du film, la raison et sentiments, on pourrait le renommer comme ça. Jane Austen. Voilà, mais on y pense beaucoup devant les films de Romare. Tout à fait. Et donc, si je reprends ce que vous disiez sur l'érotisation du langage, en fait, le langage est érotique quand il parvient à nommer les sentiments ou au contraire, quand il n'y parvient pas? Il est érotique dans la lutte entre les deux êtres. La façon dont on fait semblant de ne pas être intéressé par quelqu'un et dont il permet de se cacher, dont l'autre personne vous force à avancer. Mais si vous vous dévoilez un peu, comme vous pourrez se dévoiler physiquement, l'autre personne va prendre avantage. Il y a quelque chose, effectivement, du plaisir lié au sens, si on veut pas parler de sexualité au sens le plus cru du terme, mais lié au sens, oui, parce qu'il y a une espèce de joute, une espèce de combat qui se fait dans le plaisir quand c'est dans la séduction. Dans La Collectionneuse, il y a des moments extraordinaires autour de ça. Dans Pauline à la plage aussi, c'est moins évident dans notre conte d'été parce que le personnage est triste. Parce que c'est un garçon c'est un romantique. Et alors évidemment, là, on a affaire à un personnage qui a le vrai frère de Melville Poupeau dans le cinéma de Romare, c'est le personnage de Pierre dans Pauline à la plage, qui est joué par Pascal Grégory et qui est amoureux transi. Mais c'est terrible la façon dont il est réduit à néant devant la femme qu'il aime et il idéalise complètement cette femme qui, elle, a les pieds nettement plus sur terre. Et face au libertin qu'est Henri, il ne tient pas du tout la route. Et c'est quelque chose que Romare joue sans arrêt et rejoue. Mais moins dans ce film-là, parce qu'effectivement, comment dire, la Gaspard n'est pas prise, quoi. Il est dans... Moi, je le vois très bien, un petit peu comme Lamartine sur son rocher, les cheveux au vent, vous savez, dans la tristesse. À gratouiller sa guitare. Le folklore m'intéresse pas en lui-même. Je suis plus doué, enfin, je crois, pour composer que pour jouer. J'ai envie d'écrire une chanson dans le genre de Valparaiso. Tu connais? Ouais. Et nous irons à Valparaiso. Hey, ou la chalet, ou d'autres îles seront leurs eaux, Almatelot et Oriceo. Il y a beaucoup de gens qui chantaient à bord, mais c'était plutôt de chants de distraction, si vous voulez. Ce n'était pas des chants de travail. Alors, on m'a dit que vous chantiez très bien. Est-ce que vous pourriez nous chanter quelque chose? Alors, c'était « Alta patte, si tu continues, des marins, tu n'en auras guère. Alta patte, si tu continues, des marins, tu n'en auras plus. Connais-tu Alta patte, grand pêcheur du banquereau ?» Le banquereau, c'est un des bancs qui est juste en dessous du Canada, quoi, entre Saint-Pierre-et-Miquelon et le Canada. Alors, j'étais rendu à... Connais-tu Altapat, grand pêcheur du Bancroux, qui du matin au soir engueule ses matelots. Altapat, si tu continues, des marins, tu n'en auras guère. Altapat, si tu continues, des marins, tu n'en auras plus. Je ne pense pas que le cinéma consiste simplement à enregistrer la réalité d'une façon mécanique, pas du tout. Non. C'est plutôt une question de morale, si on peut dire. Enfin, on connaît la phrase célèbre de Godard, le travelling est une affaire de morale. Mais enfin, d'une façon plus générale, au cinéma, il y a une morale qui est basée sur le respect. Le cinéma est un art qui a un respect fondamental pour la nature, que ne possède pas la peinture. La peinture connaît d'autres voies, si vous voulez. Oui. La nature est un peu l'ennemi du peintre, c'est ça. Tandis qu'au contraire, elle est profondément l'ami du cinéaste. Ce que veut dire Romer ici, toujours en 1996, à la sortie du film Carole Desbarat, c'est, si on le relie à l'extrait que nous avons entendu, un montage entre deux extraits, Gaspard et Margot qui chantent ensemble dans leur voiture, et puis ensuite le témoignage du travail du pêcheur qui est venu recueillir Margot, c'est que le cinéma a aussi une vocation quasiment de documentaire. Tout à fait. Filmer le réel tel qu'il est, y compris là, l'importance de la musique passe aussi par ça. Dans ce film. Absolument, et j'étais très frappée hier par l'expression de Noël Herbe qui parlait de capsule documentaire. C'est-à-dire, il parlait de moments dans lesquels Romer instille un petit peu de prise de réel, effectivement, et le grand passage chez le Terre-Neuve qu'on a entendu chanter fait partie de ça. En même temps, c'est toujours Romer, et à la fois, il va complètement respecter le réel, et puis il va un tout petit peu trafiquer s'il y a besoin. Parce que dans ce film, c'est un vrai personnage que l'on voit. Ah oui, tout à fait. J'avais eu le. Donc c'est un documentaire. Ah, absolument, minutes de documentaire absolument. Dans le film. J'ai eu le plaisir d'aller chez lui pour faire le travail, préparer le travail sur Conte d'été. Et effectivement, vous rentrez dans la salle à manger, qui est exactement celle-là, avec les fleurs sur la table qui sont cueillies par sa femme et qui sont dans le plan de Diane Baratier. Sauf que Diane Baratier vous dit. Je suis allée cueillir les fleurs. Donc à la fois, on prend le son direct, il chante. Vous avez Diane Baratier, l'ingénieur du... la chef opérateur. J'aurais dû dire, excusez-moi. Effectivement, elle est allée cueillir les fleurs, en choisissant les couleurs, passons. Et il faudrait faire quelque chose sur Romer et les fleurs. Je ferme la parenthèse. Les fritillaires à damier, je vous assure, il n'y a que Romer pour parler de la sauvegarde des fritillaires à damier. Dans L'arbre, le maire et la médiathèque, c'est un autre sujet. Mais simplement... On l'abordera jeudi prochain, sans doute. Pour en revenir à la musique, le son direct est pris par Pascal Ribier, qui est donc l'ingénieur du son. Donc, c'est une prise qui n'est pas trafiquée. Mais, en revanche, quelque chose dans l'image a été... Si vous voulez attaquer, vous dites trafiquer. Mais non, c'est juste qu'il fallait qu'il y ait des fleurs à ce moment-là et qui ont été choisies par la chef opératrice de l'image. La question, c'est... Oui, on est extrêmement strict, surtout sur le son. Surtout sur le son. Il n'est pas question qu'il y ait un bruissement de feuilles, comme vous nous l'avez fait entendre tout à l'heure, et c'était magnifique, qui viennent d'ailleurs que de la prise qui a été sur le terrain. En même temps, comme l'a très bien dit Noël Herpillière, quand le rayon vert n'arrivait pas, il a bien fallu faire un trucage en effet spécial, en laboratoire. Donc, moi je dirais que, il me semble que, Romer, qui n'a jamais vraiment théorisé sa méthode, moi je me permettrais de lui appliquer une phrase de Matisse qui est « je travaille 5 ans et après j'improvise ». C'est vraiment ça. C'est tout est préparé minutieusement, très longtemps. Le temps de préparation est extrêmement long. C'est une question d'économie aussi. Parce que comme ce sont des films qui sont faits avec 3 fois rien financièrement, il y a intérêt à ce que tout soit prêt pour ne pas dépenser de pellicule ni de temps de l'équipe, aussi mal payée soit-elle. Donc, effectivement, la préparation est extrêmement minutieuse, à la fois pour des raisons d'économie, puis des raisons éthiques et morales, comme il l'a dit. C'est une prise du réel. Puis, n'oublions pas que Romer est quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur les Frères Lumière. Mais en même temps, l'histoire du cinéma nous montre bien que ces vues Lumière dont nous émerveillons en disant oh, « c'est extraordinaire, la place de l'opéra en 1902 », elles étaient... prise selon un angle de vue décidé par la firme Lumière, avec d'un temps de prise d'image qui était toujours le même. Vous voulez dire que c'est jamais juste la caméra posée au hasard sur une place, même dans les documentaires. Et Romer le sait. et Romère Donc le cinéma est toujours une fabrication d'une autre réalité. Toujours. Ou un choix. Toujours. Même les grands documentaristes vous le disent, à partir du moment où il y a cadrage, il y a fiction. Oui, parce qu'on choisit ce qu'on ne voit pas. Voilà. On sélectionne ce qu'on voit et on choisit d'éliminer une partie de l'image. Et Romère le sait. Et c'est pour ça qu'il... C'est pour ça que moi, je ne dirais pas tout à fait des capsules documentaires. Il y a des moments comme ça. Ouais. Mais ne serait-ce que la façon dont Romère s'intéresse à ses acteurs avant de les filmer, dont il passe du temps avec, surtout elle, mais aussi avec eux. Je pense que Fabrice Lucchini peut en parler très bien. Il viendra bien, jeudi prochain. Justement, vous avez de la chance. Eh bien... Il y a quelque chose là d'un intérêt documentaire. Alors là, les critiques après s'écharpent pour dire est-ce que c'est documentaire sur les acteurs et qu'effectivement le personnage que nous voyons à l'écran, c'est l'acteur ou pas? Ou est-ce que ce sont juste ces jeunes femmes qui ont été flattées par Éric Romère et qui pensent que Romère fait un film sur elles? Mais écoutez, je pense que c'est beaucoup plus complexe que ça. Si vous enlevez le caractère de Marie Rivière, vous n'avez plus le rayon vert, hein. Et si on enlève Carole Desbarra, on n'a pas la même émission sur Contes d'été. Merci beaucoup d'être venu nous en parler ce matin. Je renvoie à l'ouvrage que vous avez consacré à Contes d'été aux éditions Canopée. Il y avait aussi Pauline à la plage, hein, aux éditions Yellow Now. C'est les deux seuls ouvrages sur Romère. Vous pourriez en écrire un sur Manu chez Maud? Ou pas? J'aimerais. Bon. J'aimerais. J'ai envie d'écrire sur Romère et les femmes après cette émission. Mais vous m'avez déjà dit ça, je crois. Donc, bon, faut s'y mettre. Il va falloir le faire. Bon. Si je vous dis été 1996 et musique... Ça vous rappelle peut-être le tube de l'été de 1996, vous savez ce que c'est? Non, j'ai oublié. Eh bien, le voici. When I dance, they call me Magarena. And the boys, they say que soy buena. They all want me, they can't have me. So they all come and dance beside me. Move with me, chant with me. And if you're good, I'll take you home with me. Dala tu cuerpo alegría, Macarena. Que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dala tu cuerpo alegría, Macarena. Macarena. Dala tu cuerpo alegría, Macarena. Que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dala tu cuerpo alegría, Macarena. Macarena. Now don't you worry about my boyfriend, the boy whose name is Vitorino. I don't want him, couldn't stand him. He was no good, so I. Now, come on, what was I supposed to do? He was out of town, and his two friends were so fine. Dala tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dala tu cuerpo alegría, Macarena, Macarena. Dala tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dala tu cuerpo alegría, Macarena, Macarena. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie, on passe de la Macarena au journal de la philo, présenté par Géraldine Mosna-Savoie, ça rime. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. Vous nous parlez aujourd'hui de Pierre Hadot. Oui, un recueil de textes du spécialiste de philosophie antique vient de paraître aux éditions Vrin. L'un de ces textes, de quelques pages seulement, donne son titre à ce recueil, La philosophie comme éducation des adultes. Titre qui interpelle tout de suite, puisque c'est plutôt la question de pourquoi et comment enseigner la philosophie aux enfants qu'on pose habituellement. Alors à quoi pourrait ressembler une philosophie pour adultes? Comment passer un certain âge, mais encore faudrait-il se mettre d'accord sur cet âge, se mettre ou se remettre à philosopher? Et cela a-t-il un sens de parler de philosophie pour adultes ou pour enfants? Au fond, il est quand même extrêmement important pour l'homme de se rendre compte de ce qui dépend de lui et de ce qui ne dépend pas de lui. Et si on se torture pour ce qui ne dépend pas de nous, on se torture d'une manière absolument vide, enfin, et vaine. Et au contraire, se rendre compte que, par contre, ce dont on est responsable, ça peut devenir, ça peut être très grave, ça peut être un bien ou un mal. C'est aussi extrêmement important parce que, en général, on a tendance à oublier très souvent sa propre responsabilité. Le centre de l'œuvre de Pierre Hadot, son grand concept, titre de l'un de ses livres les plus connus, ce sont les exercices spirituels. Parmi les plus connus, celui qui nous vient des stoïciens et qui consiste à distinguer ce qui dépend de moi de ce qui ne dépend pas de moi. Exercice qui semble a priori faisable par tout adulte en dehors de tout cadre scolaire, de toute formation spécifiquement philosophique. Et justement, dans son court texte intitulé « La philosophie comme éducation des adultes », Pierre Hadot distingue la philosophie scolaire scolaire de la philosophie cosmique, c'est-à-dire la philosophie à l'école de la philosophie du monde. Philosophie du monde, dit comme ça, l'expression peut paraître un peu pompeuse, mais elle revient en fait à ces exercices spirituels et à une seule question, comment vivre? Et cette question est pour Ado le contraire même de la philosophie comme discipline technique, mais qu'implique une telle question de comment vivre? N'est-ce pas une question plus difficile même que la philosophie qu'on fait à l'école? Comment y répondre? Quand j'ai fait mes études de philosophie, j'ai toujours été rebuté par le langage compliqué des philosophes et... Je me suis juré d'essayer de ne pas faire comme eux. Mais c'est vrai aussi que j'ai trouvé dans Montaigne, et d'ailleurs dans une certaine partie de la culture classique quand même, une réaction contre le pédantisme, contre la spécialisation dans un certain sens. Pascal aussi disait que c'était rare de rencontrer quelqu'un qui soit un honnête homme et pas un spécialiste de tel ou tel métier ou sujet. Pierre Ado, à travers ses travaux et à travers ses textes rassemblés dans ce recueil, ne propose pas qu'une lecture originale de penseurs connus. Il ne fait pas seulement œuvre de professeur de philosophie, au contraire. Qu'il s'agisse d'un commentaire de Marc Aurèle, d'une réflexion sur la perspective et l'horizon, ou d'analyse d'exercice spirituel en tant que tel, reviennent sans cesse les termes de regard, de subjectivité, de personne humaine. Et c'est bien ce à quoi renvoie une telle question comme « comment vivre ?». Une manière d'y répondre, une attitude, un style humble, sans prétention, ce qu'implique cette question comment vivre, ce n'est donc pas un savoir technique ou une recette, mais des exercices, c'est-à-dire une véritable conversion, un changement de regard, de perspective, pour, dit-il, sculpter sa personne et non pas construire une théorie abstraite, pédante et jargonnante. Il s'agit de percevoir toutes les dimensions de l'existence. Enfin, quand on peut, parce que je dois dire qu'il faudrait faire tout un autre livre pour expliquer que les exercices spirituels, ça ne peut pas se vivre sans arrêt et que l'attention des stoïciens, ça ne peut pas être... Ils voulaient que ça soit continuel, mais c'est tout à fait normal d'ailleurs que quand on se prend des résolutions, on se dit continuellement, je ferai attention, mais en fait, c'est absolument impossible. Alors de même, c'est absolument impossible et même dangereux de penser sans arrêt au cosmos. Comment vivre? Cette question suppose un changement d'attitude ou de regard posé sur le monde, mais elle suppose aussi de remettre tout en question, y compris cette conversion même et sa méthode. Pas besoin de tout le temps s'exercer spirituellement, d'être sans cesse dans une position réflexive, seulement le loisir de regarder autrement le monde. Voilà donc à quoi ressemblerait cette philosophie pour adultes. Mais n'est-ce pas la même chose que ce qu'on entend par la philosophie à destination des enfants, possible en dehors de l'enseignement au lycée? C'est que la philosophie en fait n'est pas une question d'âge, on l'aura compris, mais d'attitude. Et Pierre Ado de citer Stanley Cavell, pour qui la philosophie doit toucher cette part d'enfance en nous, capable d'enchantement et de transformation seulement quand il en a envie. Merci Géraldine. Alors ce titre du livre de Pierre Ado, La philosophie comme éducation des adultes, s'est paru aux éditions Vrin. Merci beaucoup. Votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo. Un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui m'a aidé comme chaque jour à préparer cette émission. Elsa Le Saulnier, Colomba Grossi, Isis Jourda, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, Pauline Démier, Nicolas Berger qui réalise cette semaine, Nasser Moussaoui qui est à la prise de son aujourd'hui. On se retrouve demain pour la suite de notre série sur Éric Rohmer. Demain, nous serons en compagnie de Fabrice Lucchini. Il viendra vous raconter ses expériences devant la caméra d'Éric Rohmer, ses réflexions sur le jeu d'acteur et sur le cinéma de Rohmer. Ça, ce sera demain à 10h. D'ici là, pour réécouter cette émission sur Contes d'été avec Carole Desbarra, c'est facile, hein, vous pouvez la réécouter en ligne sur le site de France Culture ou bien la télécharger, la podcaster sur ordinateur ou téléphone portable, peu importe, c'est très simple. Ça vous permet d'avoir l'émission chaque jour qui est disponible et vous pouvez l'écouter où vous voulez et quand vous voulez, hors connexion également. On se retrouve demain à 10h. Donc vous pouvez aussi d'ici là vous rendre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, les chemins sont partout et attendent vos commentaires. À demain, 10h. D'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.